Chapitre 19. Et voici qu'une femme descendant des montagnes lui dit « Je te demande où tu vas. » Et Joseph répondit « Je cherche une sage femme de la race des Hébreux. » Et elle lui dit « Es-tu de la race d'Israël ?» Et il répliqua que oui. Elle dit alors « Et quelle est cette femme qui enfante dans cette caverne ?» Et il répondit « C'est celle qui m'est fiancée. » Et elle dit « Elle n'est pas ton épouse ?» Et Joseph dit « Ce n'est pas mon épouse, mais c'est Marie qui a été élevée dans le temple du Seigneur et qui a conçu du Saint-Esprit. » Et la sage-femme lui dit « Est-ce que c'est véritable ?» Et il dit « Viens le voir. » Et la sage-femme alla avec lui. Et elle s'arrêta quand elle fut devant la caverne. Et voici qu'une nuée lumineuse couvrait cette caverne. Et la sage-femme dit « Mon âme a été glorifiée aujourd'hui, car mes yeux ont vu des merveilles. » Et tout d'un coup, la caverne fut remplie d'une clarté si vive que l'œil ne pouvait la contempler. Et quand cette lumière se fut peu à peu dissipée, l'on vit l'enfant. Sa mère Marie lui donnait le sein. Et la sage-femme s'écria « Ce jour est grand pour moi, car j'ai vu un grand spectacle. » Et elle sortit de la caverne, et Salomé fut au-devant d'elle. Et la sage-femme dit à Salomé « J'ai de grandes merveilles à te raconter. Une vierge a engendré, et elle reste vierge. » Et Salomé dit « Vive le Seigneur mon Dieu. Si je ne m'en assure pas moi-même, je n'y croirai pas. »